business à Paris, pour savoir si je trouve bien. Donc, en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité algérienne telle qu'elle a été définie au lendemain de l'indépendance, cette nationalité algérienne définie au lendemain de l'indépendance reposait sur le droit du sang, c'est-à-dire que étaient reconnus comme algériens tous les gens qui justifiaient de parents ou de grands-parents indigènes ou classés comme français musulmans au temps de la période antérieure. Donc il restait le problème de la minorité de peuplement colonial, quel allait être le destin de cette minorité de peuplement colonial. Au moment des accords d'Évian, la partie algérienne a revendiqué absolument le droit de donner, de reconnaître la nationalité algérienne à ceux des Européens de peuplement colonial ou d'autres personnes d'origine française ou autre, qui avaient participé à la lutte de libération. Et là, les Français ne pouvaient rien, même quand il s'agissait de ressortissants français. Donc c'est le lot de personnes qui ont bénéficié de la nationalité algérienne à partir de l'article 8. Ensuite, pour être fidèle à l'esprit et à la lettre des accords d'Évian, il y a eu le fameux article 9, qui en fait ne faisait que mettre en forme la disposition qui avait été prévue aux accords d'Évian et qui reposait sur la distinction de la nationalité et de la citoyenneté. En effet, au début des négociations algéro-françaises, la partie française voulait que tous les Européens nés en Algérie ou justifiant de 20 ans d'existence obtiennent automatiquement la nationalité algérienne. Ce que la partie algérienne a refusé en disant: ce sont des gens que nous ne pouvons pas obliger à devenir algériens, puisqu'ils ne le sont pas, ils ne se revendiquent pas comme tels, ils n'ont jamais reconnu le drapeau algérien, beaucoup d'entre eux ont combattu ou sont restés neutres vis-à-vis de la revendication de l'indépendance algérienne. Donc pour cela, nous ne voulons pas les chasser, il n'en est pas question, nous avons pris des engagements là-dessus, mais sur le plan politique, nous offrons l'option conforme à ce qui a été dit dans l'appel du 1er novembre, à savoir ceux qui veulent devenir algériens pourront opter pour la nationalité algérienne, ceux qui veulent rester étrangers restent étrangers, soumis au droit et devoir des étrangers. Mais dans ce qui concerne l'option pour la nationalité algérienne, il est évident qu'on ne peut pas la faire immédiatement compte tenu des années de guerre, etc., parce que ce serait une fausse option, et donc on prévoit ce qui a été appelé dans les accords d'Évian une phase transitoire de 3 ans, pendant ces 3 ans, il y a distinction très claire entre la nationalité et la citoyenneté, c'est-à-dire cette notion a été confondue dans le droit français depuis Napoléon, nationalité, citoyenneté. Mais là, on peut très bien comprendre que la nationalité est attachée au passeport et au vote pour le président de la République, et que la citoyenneté est liée à la carte d'identité, à la carte d'électeur, aux élections communales. C'est les droits civiques, d'une part, et les droits découlant de la souveraineté d'État. Donc ce statut particulier de transitoire de droit commun permettait aux Algériens, aux Européens nés en Algérie, leur permettait de participer à la vie sociale, économique et même politique d'Algérie, puisqu'ils pouvaient de façon transitoire avoir des élus au sein des assemblées, mais non pas dans un collège à part, intégrés dans un collège public. Et c'était pour eux, en quelque sorte, faire une espèce de mariage à l'essai avec l'Algérie, de voir si vraiment, au bout de 3 ans, eux et leurs enfants voulaient devenir algériens. Donc c'est comme ça que les choses ont été aménagées. Et au terme des 3 ans, un peu plus tard d'ailleurs, le nouveau code de la nationalité a repris les articles et a effacé cet article-là, si bien que la façon d'être algérien, maintenant il n'y en a plus que deux, c'est ou bien par naissance ou bien par naturalisation. Oui, très clair. Vous disiez tout à l'heure que vous estimiez à peu près à 1 000 000 les gens qui avaient eu la nationalité au titre de l'article 8. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir plus d'un millier, mais je ne peux pas vous donner de détails là-dessus. Je connais un certain nombre de gens qui l'ont eu. Il y a des gens qui ont fait l'option après, sans avoir participé à la lutte. À mon avis, ça ne doit pas dépasser les 2 000. Mais je me trompe peut-être. Et moi, je me pose la question, au bout des 3 ans, oui. beaucoup d'Européens étaient partis. Certains étaient restés en 62, mais bon, déjà au bout de la première année de l'indépendance, certains étaient partis. Et au bout des 3 ans, il devait rester peu, relativement peu. Oui, au bout des 3 ans, 65, je ne me rappelle pas, je crois qu'il y avait une enquête. Ben, ça doit exister dans le recensement de 1967. On doit trouver le recensement 1967, on doit avoir le chiffre de la population résidente étrangère. Oui. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont pris la nationalité algérienne? Non, parce que les gens qui voulaient la prendre l'ont pris en cours de route. Avant les 3 ans? Bien sûr, ceux qui voulaient la prendre, les autres ont préféré jouer sur les deux tableaux. Alors le gros principe qu'on avait fait admettre du côté français, c'est qu'il n'y avait pas de double nationalité simultanée. Parce que dès qu'il y a eu ce vote des accords d'Évian, de Gaulle a fait une modification à la nationalité française en disant que la nationalité française ne se perdait jamais. C'est-à-dire que lui a pris une disposition pour qu'il y ait une espèce de nationalité refuge pour les pieds noirs. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, je circule avec un passeport algérien, j'ai une carte d'identité algérienne, mais si pour une raison ou pour une autre, pour une raison de stage ou autre, je vais vivre 6 mois en France, les Français ne me reconnaîtront pas la nationalité algérienne. Ils m'obligeront à prendre, à récupérer la nationalité française. Comment ferez-vous alors? J'y vais pas. Non mais comment faudrait-il faire? Ils vous obligeraient à reprendre... Non, ils me disent que pour moi, j'ai pas besoin de carte de résident algérien. Je suis français. Pour eux, je reste français. Oui. Prêtre pour l'éternité, français pour l'éternité, c'est fini. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et après, donc, certainement, il n'y a pas eu tellement d'Européens qui ont choisi la naturalisation. Non, mais on avait voulu éviter la double nationalité pour des raisons juridiques et des raisons financières, pour que les gens ne jouent pas sur les deux tableaux pour des questions financières ou de poursuites judiciaires ou d'affaires comme ça. C'était ça le... Alors le point important aussi, c'est que nous tenions absolument à, dans une perspective de démocratie égalitaire, qu'à l'égalité des droits et des devoirs des citoyens. C'est-à-dire éviter tout statut communautaire de type libanais, chypriote ou autre. Ce à quoi les Français s'étaient accrochés à un moment, puisqu'ils voulaient un statut pour... Oui. Donc la seule chose qui a été reconnue, c'est qu'il y ait une chambre économique pour les intérêts français en Algérie. Mais là, ça concernait une partie de commerçants qui, en fait, étaient beaucoup plus liés au mouvement des affaires français avec l'Algérie que plutôt attachés à l'Algérie. Et puis, il y a eu une fameuse commission de sauvegarde qui avait été instaurée pour le respect des droits des minorités, mais qui est tombée en désuétude parce que c'était pas la France qui allait... C'était un instrument qui avait été mis en place par les accords d'Évian, mais qui s'imposait comme une espèce de droit d'ingérence humanitaire préventif. Or, en fait, la seule garantie qui pouvait être offerte aux séquelles de la minorité de peuplement colonial, c'était la volonté de l'Algérie. C'était la seule garantie. C'est pas parce que De Gaulle était loin avec son grand bâton et les parachutistes que ça allait changer quelque chose. Non, ça vous paraît choquant ce que je vous dis. Non, pas du tout, non, j'écoute.